Bonjour, 15 décembre 2021, direct du 15 décembre 2021. Donc, je vais attendre un peu qu'il arrive des gens parce que c'est surtout que j'ai pas fait de choses dernièrement. J'ai pas fait de grand-chose à part j'ai mis en ligne une vidéo, mais finalement j'ai pas répondu non plus à certains commentaires. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Ils ont eu un petit chat puis ils l'ont appelé Berthold. C'est très J'ai trouvé ça cute, c'est bien gentil. J'ai trouvé ça comique. Donc, c'est ça, là. Je vais attendre qu'il arrive des gens. Il semble pas y avoir personne. Bonjour, Jenny. Vous êtes toujours devant votre ordinateur, on dirait. Donc, oui, bonjour, Lucie. Il y a des choses que je devais faire dernièrement, puis j'ai pas pu. Puis finalement, bon, je pourrais faire ça là, mais j'avais pas envie de. J'ai envie de quelque chose de plus actif que d'être passif à regarder quelque chose. Bonjour Corinne. Hey, c'est vrai, je suis pas allé voir. Il y a des choses que je suis pas allé voir aujourd'hui. J'ai même pas été voir. En tout cas, bon. Peut-être que je suis en train de tout perdre mes affaires. Bonjour Syl. Donc oui, j'ai mis en ligne une vidéo hier. Puis je me suis dit, ça peut paraître. Moi, ça me surprend parce qu'il y a des gens qui ont mis comme commentaire qu'ils comprenaient, là, commençaient à comprendre c'est quoi au fond l'astral. Puis ça me surprenait. Les gens voient ça comme. En tout cas, bonjour, Lison. Puis les gens voient ça comme. C'est là qu'on voit, il y a encore une pensée ésotérico-magique. Hein? Les gens ne se doutent pas que c'est plus simple que ça, que c'est juste. En tout cas, il va falloir être un petit peu plus. Comment je pourrais dire ça? Un petit peu plus scientifique. Entrer dans un âge de raison, mais qui n'est pas un raisonnement objectif, si on peut dire. Il faudra entrer dans une certaine objectivité. Donc, bonjour Martin. Donc, oui. Vous savez, hier, j'ai eu une de mes aventures avec quelqu'un que ça me surprend qu'il soit pas là. Hein? Ça serait le temps, là. Si Dark Chemist, il veut se manifester pour une fois, là, je vais être d'une grande attention. Parce que finalement, oui, il avait accès à quelque chose de plus rapide pour me contacter. D'assez rapide. Puis finalement, hier, là. Je pense que je lis. Donc, je pensais que peut-être qu'il apparaîtrait là aujourd'hui. J'ai perdu patience hier, puis bon. Bonjour, Steph. Oui, Astral, c'est devenu extrêmement galvaudé. Ça l'était déjà, là. De toute façon, bonjour, Mo. Mo, eh bien. Ah, bonjour, Olive. Vous n'êtes pas Olivier que je connais? Je sais pas. Hein? En tout ça m'étonnerait, je pense qu'il travaille aujourd'hui. D'après moi, là, on est un jour de semaine là, dans l'avant-midi. Donc, moi, c'est parce que les gens, bon, ils interprètent ça à travers une pensée ésotérique. Mais le réel, c'est pas ésotérique. C'est exotérique tellement, on l'a tellement en pleine face qu'on ne le voit pas. C'est parce que c'est l'être humain qui est ésotérique. C'est l'être humain qui est. C'est pourtant simplement le plan psychique. Oui, mais si on peut dire l'âme collective. Ce qui fait que la télépathie est possible, entre autres. C'est-à-dire que ça peut être parasité par de l'information qui est là. C'est un peu comme si on était pris à travers un gros, dans plein de cassettes d'un gros club vidéo, mais qu'on pouvait pas choisir ce qui joue, puis toujours en même temps, tout le temps. Donc, bonjour Christy. C'est pourtant simple, oui. Bonsoir Marie. Ah, j'avais pas vu Christy avant. Bonsoir C. C, on va dire C. Donc, ouais. C'est extrêmement simple, mais c'est au niveau de la perception que ça devient compliqué parce que l'être humain intellectualise. Il intellectualise. Donc, c'est ça. C'est dommage parce que c'est un peu, comment je pourrais dire, ça pourrait être extrêmement utile si c'était compris intelligemment. Ah oui, donc du midi de la France, ok, c'est pas du midi de la France. Oui, ben je passe un monsieur qui est au Québec aussi, mais vous savez, il y a eu une expérience qui était faite à l'Université de Montréal avec des enfants. Il s'agissait de sphères en verre et à l'intérieur, il y avait des petits fils de métal, très, très fins. Et on expliquait aux enfants qu'ils avaient la capacité de les tordre avec leurs pensées et on leur expliquait que c'était le cas de tout le monde, mais que c'était un secret. Ensuite, il y avait l'expérience et puis ça a été filmé où on leur disait de tordre les petits fils de métal. Et vous savez quoi? Il les tordait. Mais il n'y a personne. Bonjour, Carole. Il n'y a personne. Ça n'a jamais été vraiment rendu public, hein, ça? Il n'y a personne qui entend parler de ça. Pourtant, moi, j'ai même eu les accès aux photos. Les photos des petites sphères. Puis les torsions très complexes à l'intérieur qui avaient été opérées par télékinésie. Par des enfants. Vous savez, c'est quoi le problème de notre époque? L'être humain est tellement corrompu, il est tellement perverti, il est tellement avide de pouvoir que ces choses-là sont considérées comme un potentiel militaire et qu'on n'en parle pas. Et c'est là que ça me met très en colère, entre autres. Pourquoi? Parce que ça pourrait servir l'humanité. On pourrait faire d'une vraie technologie intelligente. Mais non. Qu'est-ce qui empêche le basculement de conscience? Je parle plus du basculement niveau de qui on est vraiment, le point de conscience plus macro que micro, mais qui on est vraiment? Dans le sens, est-ce que l'identité, c'est juste la notion psychologique d'identité, est-ce que c'est réel ça? Est-ce que c'est important qui on est vraiment? Je ne sais pas si vous voyez là, ce que je veux dire. Parce que je vais être franc avec vous, je pense jamais à ça. Je ne pense jamais à ça. On a eu, là, aux alentours du 11, des dièses cosmiques, là, qui se souvenaient, je me souviens de qui je suis, puis ça n'a pas rien fait. Ça, au contraire. C'est-à-dire qui on est vraiment. L'important, c'est de comprendre que l'identité subjective circonstancielle est liée au jeu subtil entre l'inné et l'acquis est circonstancielle, justement. Donc, au moins, de ne pas avoir une fausse identité, ces deux jours-là. Mais là, d'accrocher sur. Par rapport à la dernière vidéo, comment se fait-il que des individus se disant supramental puissent être en contradiction dans leurs propos? Vous parlez de moi? Je me considère pas en contradiction, mais oui, il y a des gens. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est un business. C'est du business. C'est ça le problème. Je veux dire, pourquoi est-ce il y a des gens qui sont en contradiction dans leurs propos? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vue claire puis ils veulent ratisser large. C'est un peu, comment je pourrais dire ça? C'est comme une boutique de livres ésotériques qui va à la fois avoir des livres qui parlent de réincarnation et d'autres livres qui disent que ça n'existe pas parce que c'est dans une autre école. Pour faire de l'argent, il faut vendre des livres de toutes les écoles dans une boutique ésotérique. Comprenez, là? Moi, je vois qu'il y a de la contradiction à ce niveau-là, mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui sont irrationnels à ce niveau-là. Je parle de toute façon, il peut y avoir des différentes réalités qui se chevauchent. Donc, moi aussi, je suis tanné au plus haut point depuis très longtemps que nous n'ayons pas une technologie digne du vivant. Ben, le vivant, c'est de la technologie. À mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus avancé comme technologie. On n'est pas encore capable de faire du filage aussi fin puis aussi efficace que le système nerveux, par exemple. Ben, ils prétendent que, non. Non. Non, pas toi. Je voulais dire, c'est un oui. Ben oui, je sais. Ben, franchement, c'est parce que ça nous avait été dit, c'est parce que ça devient des sectes. Le supramental s'est rendu des sectes. Ça devrait être des individus en évolution de conscience, qui ont la capacité de communiquer entre eux à un niveau horizontal, mais non, ça devient des sectes. Puis c'est surtout parce que moi, je vois un problème. J'ai rarement vu les gens dans le supramental à qui j'ai parlé, qui étaient les plus intéressants, c'était des individus, puis on discutait, puis on se contactait à cause d'une certaine amitié. Puis les gens les plus déconnectés que j'ai vus, c'est des gens qui faisaient payer pour de la consultation souvent. Donc, ah bon, bonjour Jenny. Toujours du feu. Donc, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est une business. Puis, comme ce cas-là particulier, c'est quelque part un peu de la psychologie conventionnelle, mais qu'on rajoute des affaires au supramental dedans. Pourquoi? Parce que, ben, probablement que lui-même a un intérêt, mais c'est aussi une clientèle spécifique. J'ai vu des choses, comme j'ai lu des choses par rapport, il parlait de la densité des corps, que certaines substances densifiaient les corps, puis c'était pas bon, ça va contre l'instruction. C'est ça qu'on cherche, la densité des corps. Faut densifier, aligner, puis bon. Au niveau du langage, si on regarde au-delà du langage, là, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. Ça n'a rien à faire avec... Toujours, ben, je sais pas. Toujours, pas toujours... Sabourin, moi, je le trouve pas si pire, même si j'ai déjà été, je reste critique un peu, là. Mais parce que, bon, mais je le trouve moins pire que d'autres. D'autres que c'est carrément à l'envers. Il y a des choses, ça va à l'envers de l'instruction. Et puis c'est carrément, c'est plus que subjectif, là. Donc, moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est pas normal que du monde, ce soit leur métier. J'ai bien de la misère avec ça. C'est dès qu'il y a ça, là, dès qu'il y a un intérêt pécuniaire, là, il va avoir des... C'est sûr qu'il va avoir des... Vous voyez, là, il y en a, c'est de vendre des formations, il y en a d'autres, tu sais. Puis, ils vont mettre en vibration au sens de conditionner, au sens d'un sens marketing un peu. Mettre en condition d'acheter ou de payer, de... Ouf, en tout cas, ça veut pas dire qu'ils sont tous... bon, l'ego peut être fort et bloque parfois le basculement de la conscience plus vaste. Qu'est-ce qui fait que l'ego bloque à part la peur? Ben, moi, je trouve que c'est l'intellectualisation, la rationalisation. La rationalisation, sans que je l'entends, c'est irrationnel. Donc, bonjour, Lorraine, Christine, Lécha, bonjour. Donc... Non, c'est irrationnel. À un moment donné, je me suis retrouvé face à un phénomène qui était clairement pas un phénomène usuel. Puis, je me suis surpris en train de rationaliser mon expérience, puis essayer de trouver des explications qui pourtant étaient totalement pas logiques, mais au niveau d'une rationalité commune, aurait eu l'air plus logique que ce que je voyais carrément. Donc, ça bloque la perception. Entre autres, mais dans le sens d'une perception objective. Qu'est-ce qui fait que l'ego bloque? Oui, mais là, vous parliez de basculement de la conscience. Vous savez, la conscience, là, c'est quoi au fond? C'est ce qu'il voit. Ce qu'il voit, ce qu'il intègre. Parce que c'est pas suffisant de comprendre. J'ai vu ça en formation à un moment donné. Une formation pour au niveau des métiers manuels. Des gens, ils sont extrêmement bons dans la théorie. Puis quand on arrive dans la pratique, ils sont pas bons. C'est pas suffisant de comprendre, semble-t-il. C'est pas suffisant de théoriser. Il faut être dans un mouvement. Mais il y a des gens, même au niveau de la théorie, ils sont pas bons, puis ils en arrivent dans la pratique, puis là, on pourrait parler presque d'un don, d'un talent, un grand talent lié à la pratique, à l'habileté. Donc, c'est quoi au fond? Est-ce que c'est important de... Qu'est-ce qui... une conscience plus vaste? Une conscience plus vaste, elle va d'elle-même, ça va de soi. Pas besoin d'être... Il y a des choses que je sais que des grands intellectuels ne comprennent pas. Pourtant, je sais qu'il y a des gens très simples, comme des enfants ou même des arriérés mentaux, ça, et eux, ça, ils le savent, ils comprennent. Donc, comment expliquer ça, le phénomène de la conscience? C'est pour ça que je dis souvent que la conscience et l'intelligence, c'est pas pareil. La conscience, c'est intelligent. L'intelligence, c'est pas nécessairement conscient. Donc, j'ai constaté que dans les milieux de l'hypnose régressive ésotérique, certains veulent faire prévaloir le supramental. Oui, il y a une récupération par des hypnothérapeutes, entre autres. Puis, savez-vous quoi? Dans le supramental du début au Québec, la plupart des protagonistes n'aimaient pas beaucoup l'hypnose ou les phénomènes hypnotiques. C'était vu comme astral et dangereux. Puis pourtant, c'est devenu. Celui-là, il y a une récupération. Il y a digne du vivant par sa très haute technologie. Y avoir accès. Moins. Mais c'est le vivant qu'il faut qu'il se perfectionne. On bloque notre énergie par notre intellect, entre autres, semble-t-il. Semble-t-il que ça affecte le corps. C'est surprenant, mais bon. Sans tomber dans la biologie totale, ces choses-là. Vous parlez souvent de la création d'un espace d'observation à générer. Cet espace a-t-il quelque chose à voir avec le coin du contrôleur dans le pentagone de Cartman? Non. Là, c'est pas Cartmano-Bertholdien. Ça existait avant Cartman. Hein. Ça existait avant Cartman, le triangle de domination. Tout ça existait avant. Le trapézoïde, le pentagone de domination, tout ça existait bien avant Cartman. Lui, il l'a théorisé au niveau de la psychologie, alors que c'était des techniques de psychologie avant le mot. Avant. Connais-tu la fleur de vie? Ben oui. Vous savez, la géométrie, sauf que moi, je n'y vais pas nécessairement. Pour moi, c'est du systémique, c'est-à-dire qu'il y a des lois du vivant, entre autres, mais de l'ergonomie énergétique, tout simplement. Je ne vais pas y accorder de signification spirituelle comme on voit. Là. À mes yeux, justement, c'est de la connaissance qu'on pourrait dire du vivant, donc jusqu'à un certain point technologique. Bonjour Camille. Donc, ben oui, je connais la fleur de vie. Vous savez, j'ai une certaine connaissance générale. Je connais pas tout, mais j'ai passé tellement de temps avec tellement. J'aimais beaucoup discuter de certaines choses dont les gens, en général, ne discutent pas. Donc, pendant un certain nombre d'années, c'est un peu comme si chez moi, c'était l'endroit où on peut aller jaser de choses qu'on peut pas parler ailleurs. Donc, pendant plusieurs années, avant que j'aie ma maison, j'avais toutes sortes de gens qui venaient me voir chez moi. Puis, c'était spécial. J'en ai eu toutes sortes de monde. Donc, ah bon. Il n'y a plus de mystère pour l'homme nouveau. Mais n'y en a-t-il encore pour l'homme transitif? Quelle relation l'homme transitif établit avec ce qu'il ne sait pas? L'homme transitif, il y a de la lutte. Il faut qu'il lutte. Donc, c'est ça sa relation avec ce qu'il ne sait pas encore. C'est-à-dire l'intégration, comme c'est un processus, ben, il vit de la lutte. Mais ça peut prendre toutes sortes de formes. Bonjour Jean-François. Donc, c'est certain que, bon, c'est spécial que des gens, par exemple, qui font de la consultation, qui font payer pour de la consultation, pour revenir au premier sujet, vont critiquer le fait que, bon, il y a des gens qui parlent avec des pseudonymes, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais exercé la parole en public. Même dans le supramental, je peux grand monde le faire en direct. Pourtant, ça revient au même que de parler avec une salle. Donc, c'est bien plus intéressant pour exercer la parole. Je suis de la misère à un moment donné à comprendre de certaines critiques. Le pseudonyme, moi, c'est pour qu'on laisse mes proches tranquilles. Même, j'ai arrêté de faire des vidéos un bout de temps, c'était par rapport à quelqu'un de proche que je savais que, bon, que l'aimait pas ça. Puis bon, là, je vais voir de quelques années, puis après, je vais rire. Toujours par rapport à la dernière vidéo, je me suis demandé si un aveugle de naissance pouvait voir une fois fusionné. Bon, pas nécessairement. Ben, vous savez, ça, je le sais pas. C'est très hypothétique. Mais vous savez, la fusion, c'est pas. Oui, il y a des changements, mais moi, j'en ai jamais vu que c'était complété. Il semblerait que c'est jamais fini. Bon, en tout cas, ce que j'ai pu constater, là, c'est même il y en a qui disent qu'ils ont eu plusieurs. Ils ont terminé la deuxième fusion. Quand j'avais entendu ça, j'avais trouvé ça bien, bien drôle. Quand je relâche pour pas comprendre et laisser couler, en observant, je capte des trucs directs, mais pas fluide encore régulièrement, mais j'ai l'impression qu'il y a résistance. Oui, mais possiblement qu'il y a une certaine filtration. Dans le sens qu'il y a des choses que c'est peu utile de... Il y a des personnes qui vont toujours récupérer à leur subjectivité psychologique. Leur seule issue est de se dégoûter du supramental pour y parvenir sous d'autres formes, peut-être. De toute façon, le supramental, c'est juste de l'information puis de l'intelligence qui n'est pas psychologique puis qui vient d'en dehors de l'ego au sens où on le connaît. Oui, mes yeux, entre autres, c'est ça. C'est un ensemble de phénomènes, donc c'est aussi une vibration, mais tout est vibratoire de toute façon. Donc, il y a des personnes, ok, oui, peux-tu développer en quoi consiste l'intégration? C'est quoi intégrer? Ben, c'est de savoir comment je pourrais dire ça. C'est très intéressant comment. C'est quoi intégrer? Ben, c'est un peu comme en psychologie. Admettons que vous avez des blocages au niveau, je ne sais pas moi, de votre relationnel, puis que ces blocages-là viennent d'expériences au niveau de votre mémoire dans l'enfance, quelque chose de traumatique, si on peut dire. Le fait de comprendre le conflit va débloquer l'énergie, puis vous allez réintégrer. Puis là, vous avez, le potentiel qui était bloqué au niveau relationnel va être là. Donc, jusqu'à un certain point, intégrer, c'est pas juste savoir quelque chose, c'est voir quelque chose. Puis, au point où vous avez plus besoin de le savoir au sens d'une connaissance, dans le sens de psychologiquement ou théoriquement, ça va de soi, puis ça devient naturel. Donc, à mes yeux, c'est ça l'intégration. Il y a une vidéo que j'ai fait où je fais des petits dessins, puis je parle initial. C'est quoi donc? Je me rappelle plus du titre. C'est dans les premières que j'ai faites où je parle de l'intégration. C'est-à-dire, il y a de l'énergie qui est bloquée pour des raisons de créer des corps, comme au niveau de l'éducation puis de la formation de votre intellect, par exemple. Il ne peut pas se faire autrement que d'avoir, si on pourrait appeler, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des conflits. Puis il va avoir un potentiel qui va être bloqué pour un temps pour en développer un autre. Mais comme ça se fait inconsciemment par des structures qui sont en dehors de l'ego conscient de lui-même, si on peut dire, il ce n'est pas intégré. Mais une fois qu'on voit cette mécanique-là, il y a intégration, puis ça débloque de l'énergie et des potentiels. Crois-tu que ton écœurement initial par rapport au supramental était fondamental à la compréhension actuelle? Je ne pourrais pas dire. Mais j'ai un écœurement au niveau de n'importe quel milieu, je vais avoir un écœurement de certains aspects. Comme par exemple dans le communautaire. Il y a certains types de choses, parce que j'ai déjà été dans le communautaire il y a une dizaine d'années, puis il y a certaines choses, j'ai un écœurement total. C'est très difficile maintenant de me... En tout cas, je ne me ferais plus avoir au niveau de mon empathie par certains types de problèmes, de problématiques chez les autres. Pareil pour le milieu culturel, les artistes. J'ai de l'écœurement par rapport à ce milieu-là. Mais c'est certains aspects, c'est jamais total. Beaucoup de mots, mais peu d'expérience réelle. Ben oui, ben c'est peut-être pour ça le parlage, je ne pourrais rien dire. On est censé pouvoir dire beaucoup en peu de mots, puis il y a des gens, ça leur prend tellement de... C'est pour ça que j'aime pas les paraboles, j'aime pas trop les métaphores, j'aime pas trop... Bon. Ça me fait penser à la toune des paroles. Ah oui, c'est quoi ça, Dalila? Dalida. Non, Dalila, c'est dans la Bible. Dalida, elle s'est suicidée, elle. Dans le sens, ben c'est ça. Surtout, peut-être qu'elle a intégré, elle s'est vue dans sa fausse disco, puis elle s'est suicidée. Au lieu de tuer son frère Orlando, elle s'est suicidée. Je devrais pas faire des jokes comme ça, c'est pas correct. La personnalité n'est pas réelle, exactement. Non, c'est pas réel, c'est circonstanciel. Votre personnalité se construit au niveau de votre inné que vous n'avez pas choisi, puis votre acquis que, dont vous décidez rien, puis qui est aléatoire, puis le jeu subtil entre les deux, selon le circonstanciel, va modeler votre personnalité. Donc, c'est pas réel, ça vient pas de vous, quelque part. Ce qui est réel, ça va toujours, quelque part, venir de vous ou être vu par vous. Si vous le voyez que la personnalité n'est pas réelle, c'est déjà un début. Le discours terre-à-terre de Sabourin expliquerait la faible expression vibratoire qu'il dégage. Ben, c'est que Sabourin, je sens des blocages. au niveau justement de la personnalité. C'est pas volontaire de sa part, mais il y a quelque chose de. Il y a certaines bornes, là, si on peut dire, dans le sens que c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup d'avoir le contrôle. C'est difficile, là, d'avoir une autre vibration quand on veut avoir le contrôle. Faut pas avoir peur de ce que les autres pensent. Faut pas vouloir contrôler ce que les autres pensent. Faut pas vouloir contrôler la perception des autres. Faut pas vouloir. C'est comme si moi, imaginez, là, que j'observais chaque commentaire que je reçois, puis c'est moi qui validais s'il apparaît ou pas sous les vidéos. Ça serait épouvantable. Je perdrais mon temps. C'est pas. Ça prend une certaine fluidité. Faut pas avoir peur. Faut pas vouloir non plus être dans le désir d'avoir. Comment je pourrais dire ça? Faut pas être dans le désir d'avoir. Faut pas vouloir être une influence. C'est. Au fond, là, tout ce qui devrait préoccuper quelqu'un qui est dans ce milieu-là, c'est que les autres aient leur propre contact, puis qu'ils deviennent autonomes. Puis que ça vienne d'eux quelque part, juste d'avoir servi de catalyseur, pas d'avoir une influence. En tout cas, ton empathie pour les enfants qui se font dominer me touche et je partage. Comment la réconcilies-tu avec la nécessité de la souffrance expérimentale pour développer de l'objectivité? Ben, c'est parce que c'est un processus qui n'est pas conscient. Dans le sens, ça va aboutir à de la conscience, mais la mécanique en elle-même n'est pas consciente. Donc, il y a des enfants qui vont mourir, il y en a qui vont se suicider, il y en a qui souffrent pour rien. Donc, bon. Ah, Christine, être humain. Bonjour, Christine. Bonsoir de Bourgogne. Ah, les Bourguignons. J'ai eu beaucoup longtemps de l'intérêt pour la culture bourguignonne. Vous savez, là, le duché de Bourgogne, puis avec les alliances avec l'Angleterre, puis ces choses-là. T'sais, quand vous me donnez votre région, moi, ça m'active un paquet d'affaires, là. Je suis sensible à certaines mémoires. Mais, bonsoir. Marie Pitet. Dès lors qu'on constate une récurrence de situations dans la vie, par exemple, de devoir partir, quitter, se séparer, est-ce un début d'intégration? Ça dépend. Ça dépend. Moi, à un moment donné, je souffrais depuis des années dans une relation. Pourtant, c'était quelqu'un que j'aimais, vraiment, sincèrement. Mais cette personne-là avait un mode de vie que j'étais pas capable. Que j'arrivais pas à. Je pouvais pas vivre avec quelqu'un comme ça. Puis j'ai eu une maison avec cette personne-là. Puis finalement, je me suis séparé d'elle. Puis par après, j'étais resté ami. Mais ça me nuisait quand même à cause de la vibration quelque part de la personne. Puis finalement, un jour, j'ai dit juste dès que j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube sur le supramental, la journée où j'ai annoncé, j'ai dit, oh, je pense que je vais faire. La personne, elle a coupé les ponts et elle ne voulait plus de contact avec moi. Puis il semblerait que c'était lié à mon intégration, dans le sens qu'il fallait que je passe à d'autres choses. Puis j'aurais jamais été capable par moi-même de laisser cette femme-là. Puis le fait que tout d'un coup, elle pensait que j'avais basculé dans une certaine forme de folie, puis j'étais devenu un weirdo, ça fait qu'elle ne voulait plus me voir. Donc, l'affaire s'est séparée, c'est lié en tout cas. Ce que vous vivez va être lié à ce que vous intégrez en tout cas. Ça, c'est sûr. Je n'ai jamais vu ça autrement. Puis finalement, ça s'est bien passé. J'en ai pas souffert. Je suis au Pays Basque, ça vous dit quelque chose? Ah, ben oui. Savez, elle venait d'où, non? De quel coin? Il y a un coin là, près de l'Espagne, là. C'est pas loin, mais c'est. Bon, en tout cas, vous savez, moi, je suis un grand fan de la cuisinière, là, Maïté, qui égorgeait des poulets. Elle était pas contente parce qu'on pouvait pas le montrer à la télévision. En tout cas, bon, mais il me semble, pour faire de la sanguette, il faut égorger le poulet. Quelqu'un peut-il monter haut en vibration et maîtriser l'impression vibratoire qu'il laisse sur l'auditoire sensible à ces choses? L'affaire, c'est que s'il y a beaucoup de monde, ça devient difficile. Je sais qu'il y en a que quand ils donnaient des conférences, ils s'ajustaient à la vibration de la salle. Mais là, quand ils répondaient pour une personne, ça pouvait affecter d'autres personnes. Donc, ça devient, on dirait plus le groupe est petit, puis moins, bon, en tout cas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Mais non, je contrôle pas ce que je, moi, en tout cas, j'ai pas cette maîtrise-là. Qui crée les personnages dans nos rêves, je me suis fait courser par un zombie. Ben, vous savez, c'est possiblement grégorien, c'est-à-dire dans le sens que ça s'est formé au niveau, il y a de l'intelligence derrière la forme, mais ça prend forme au contact de l'ego. Il y a une grande partie de l'ego qui n'est pas conscient, si on peut dire. Donc, ça devient de l'information, mais vous pouvez l'interpréter. Je veux dire, comme les psychanalystes vont dire, oh, faut que ça soit interprété par un analyste qui est extérieur au rêveur, puis non, non, pas besoin. Parce que même, je trouve ça encore plus subjectif, les gens qui font interpréter leurs rêves par d'autres. Que vous, ça vous dit quoi? C'est ça qui est important. Je veux dire, vous faisiez courser par un zombie. Est-ce que vous vous sentez persécuté dans votre vie de tous les jours, quelque part? Est-ce que vous avez de la pression par rapport à des choses qui sont qui vous tirent de la vitalité? Parce que zombie, bon, voyez, c'est simple au fond. L'amitié étrange que tu as rencontrée lors de ton attaque psychique n'est pas réelle, sans pouvoir sur toi, mais elle t'a quand même bloqué. Comment cela s'explique-t-il? Ah! Non, ben, c'est parce que, vous savez, là, possiblement que. Non, ça m'a rien fait, c'est vrai, mais ça m'a juste bloqué le chemin. Mais ça aurait pu prendre une autre forme. Tout simplement lié à une incapacité que j'ai eue. Mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu prendre une autre forme. Mais c'est intéressant quand même. Oui. Ben, pas réel. Jusqu'à un certain point, l'énergie qu'il y a derrière est réelle. Non, je parlais pas du Portugal. Je parle d'un département français. D'où venait. Là où lui et sa jeunesse, Maïté, il me semble que c'est près de l'Espagne. Non, je parle pas de ce qui est dans le coin de la péninsule ibérique, là, de plus bas. Bonjour, en parlant de consultant supramental de Nijitra, ça t'a dit quoi? Je me rappelle pas c'est qui. Denis Jutra. Ben, vous savez, je suis pas à toutes les surveiller, là. Je les connais pas tous, au contraire. Mais ça me dit rien. Je me rappelle pas, je pourrais pas dire c'est qui, mais ça me dit quelque chose. Mais c'est le cas de tout le monde. Je vais dire n'importe quel nom va finir par me dire quelque chose. Dans les langues, vous êtes sûr qu'elle vient de là? Elle a été avec cette odeur de résine de pin. Très agréable. Ah oui. Oui. Ben, je sais que. En tout cas, elle est encore en vie, hein. Elle doit avoir au moins 96 ans maintenant. C'est incroyable. Ça, c'est de la vraie cuisine. Bon, en tout cas. Denis est sincère, mais coloré. Bon, c'est pas à moi de juger, vous savez. Mais oui, possiblement qu'il y a une sincérité. Vous savez, quand je suis en colère, c'est pas à cause de gens malhonnêtes. Souvent, c'est à cause de gens honnêtes. Mais qui se rendent pas compte. Il y a bien des gens, c'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est pas ça le problème. Comment je pourrais dire ça? Vous savez, là, il y a même eu des grands drames, des choses faites par des gens honnêtes. C'était honnête, c'était pas. En tout cas, quelle place a le bonheur dans ta vie? Ben, je cours pas après ça. Je suis pas malheureux. C'est ça qui compte, moi. À mes yeux. Vous savez, le bonheur, là. C'est pas. Les gens ont une vision psychologique de ça, le bonheur. Prenez André Moreau. Lui, là, il a des crises de joie, là. Il se réveille en pleine nuit, là, puis il danse tout nu dans son salon. Puis le petit bûcheron, il se met à japper parce que c'est pas normal, là, j'ai comme ça. puis là, il se tient après les poteaux pour pas exploser de bonheur. Jusqu'où c'est pas ce qu'on pourrait appeler une forme d'auto-hypnose hystérique. C'est pas ça du bonheur à mes yeux, c'est pas rationnel. Dans le sens, oui, peut-être qu'il est possible par certaines pratiques d'induire de fortes sécrétions, entre autres d'endorphines dans le cerveau, puis de, vous voyez, là. Mais ça, on fait quoi avec ça? Bon, si j'avais des crises de bonheur de même, je deviendrais vite en colère, ça ne durerait pas longtemps, j'ai pas envie d'agir comme un fou. Bon, du coup, ça a une égalité d'humeur plutôt. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai pas mal tout le temps de mauvaise humeur. Ouais, de mauvaise humeur. C'est pas que je suis de mauvaise humeur. Mais je suis pas de bonne humeur non plus. Donc, le supramental me rappelle le troisième genre de connaissance de Spinoza, instantanément. Elle concerne les choses prises dans leur singularité et véhiculées au sein d'un amour intellectuel de Dieu. Oh, vous me faites bien de mettre ça entre guillemets, là. Ah, Spinoza, hein. C'est notre ami Polisseur de Lentilles. Ben, c'est spécial qu'il y ait eu un métier comme ça, Polisseur de Lentilles, parce qu'on dit que l'ego est une lentille. Mais vous savez, le problème avec Spinoza, c'est le côté mécanicité extrême. Dans le sens de... Il y a un manque de... Il y a une extraordinaire intelligence intellectuelle, je dirais. Oui, mais c'est mécanique. C'est pas suffisant. Puis l'affaire amour intellectuel de Dieu. Comment l'amour pourrait être intellectuel? On peut intellectualiser l'amour. L'amour intellectualisé du concept de Dieu. Peut-être. Mais là, c'est quoi, là? On fait quoi avec ça? Je sais pas. Est-ce que vraiment on peut rappeler ça troisième genre? J'irais même jusqu'à dire que c'est plus proche de ce que de Malebranche puis la vision en Dieu quasiment. Au fond, ce que je veux dire. Vous savez, le Malebranche qui est. C'est spécial, hein, s'appeler Malebranche puis avoir le cou cassé là, dans un colis orthopédique. En tout cas, c'est très étrange et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un lien entre les philosophes, leur philosophie et leur nom. Donc, possiblement qu'il y ait quelque chose de la personnalité qui est circonstancielle encore. La philosophie semble circonstancielle. Alors que le supramental, c'est quelque chose qui vient briser ça, qui vient d'en dehors, je dirais. Donc, on peut pas être, il peut pas y avoir une objectivité réelle dans un contexte qui se voit lui-même. Ça va être une vue subjective. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait un rêve récurrent où je voulais, et voulant monter plus haut, j'ai été bloqué par des câbles électriques. Ah, c'est intéressant ça, parce que ça pourrait être vu comme vos connexions synaptiques. Donc, peut-être qu'à force, avec le temps, vous allez avoir des branchements de fils différents, puis ça va passer. Pourquoi pas? Je me rappelle quand je faisais certains types de rêves, puis tout d'un coup, je décidais de m'élever, j'étais pris d'une certaine peur, puis tout d'un coup, je regardais au-dessus de moi pour pas me prendre dans les fils électriques, alors que ça n'a aucun sens. On s'en fout. On s'en fout, c'est un rêve. Si c'est un rêve, pourquoi avoir peur des fils électriques? Mais vous n'avez pas eu la peur irrationnelle de vous prendre dans les fils électriques, vous avez été bloqué par dans le contexte du rêve. Donc, possiblement qu'on pourrait voir là une densification de votre connexion synaptique au niveau symbolique dans le rêve. Donc, peut-être qu'avec le temps, vous allez avoir, si l'électricité circule différemment dans votre cerveau matériel, qui est un support pour d'autres plans plus subtils, que ça va être branché différemment, puis vous allez passer. Vous allez passer. Le seul fait de vouloir aller plus haut, de vouloir monter plus haut, le seul fait que c'est concevable pour vous vient démontrer que le potentiel est là. Donc, en vieillissant, mon bonheur vient de l'observation de la liberté et le bien-être des autres, dont les animaux. Ici au Costa Rica, les chiens sont libres comme les chats au Québec. Ah, vous savez, si les chats sont pas libres, La ville est mandatée, elle a des contracteurs qui les chassent, qui les ramassent, qui les stérilisent, et peut-être même pire. Comme vous savez, là, le chat, j'avais dit que j'appellerais la ville, là, puis finalement, j'ai appelé la ville pour qu'ils viennent le chercher. Puis je le regardais, là, il était sur mon fauteuil. Puis à la dernière minute, j'ai rappelé la ville pour leur dire que je ne devais pas venir le chercher. J'ai pas été capable. J'ai pas été capable. Et puis là, j'ai un gros matou de 17 livres qui vient ici manger comme s'il venait à l'hôtel. Puis il faut lui ouvrir la porte. Puis qui s'en retourne, puis qui va je sais pas où. En tout cas. Ah, j'ai des gens qui arrivent, ça se peut que. Oui, ben, non, les choses sont. Il n'y a rien de réellement libre. Vous savez, les animaux, quelque part, on pourrait considérer que leur bonheur vient du fait qu'il n'y a pas de contrainte au niveau de leurs besoins. C'est-à-dire le moins de frustration possible, puis ils ont la capacité fluide de suivre leur instinct selon leur programmation. Donc, est-ce que le bonheur est lié à la programmation? Je sais pas. Donc, moi, il y aura pour le chat. Bon, ben oui. Il est tout le temps en train, il veut juste de l'attention puis se faire flatter. Vous savez quoi? Je pense que j'ai reçu un colis. En quoi consiste les cons? Ça dépend où vous consultez. Chez Sabourin, ça va être surtout, premièrement, il va vouloir transmettre son vocabulaire pour vouloir établir un langage commun, entre autres. Mais vous savez, si c'était vraiment. Normalement, le langage n'est pas important. Donc, ça serait au consultant s'adapter à votre langage. C'est pour ça que j'ai de la misère avec. Dans d'autres consultants, supposément supramental, ça va être du coaching, c'est-à-dire ils vont vous accompagner. Dans le sens que c'est un peu comme aller chez le psychanalyste, là. Vous allez leur raconter ce qui vous arrive, puis eux autres, ils vont dire, ah ben, ils vont vous demander, vous, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, dans le supramental, la consultation, ça devrait être tout le temps lié à de l'intégration, c'est-à-dire il faut que le consultant ait intégré certaines choses, puis la personne qui consulte, comme ça, peut être accompagnée dans son intégration. Là où ça devient, où le bât blesse, c'est au niveau que si le consultant n'a pas réellement intégré des choses, mais plutôt qu'il a créé une doctrine. Là, à ce moment-là, le coaching, la consultation va consister à vous endoctriner. Vous allez payer pour ça. Puis, au fond, la vraie évolution, là, je parle pas au niveau évolutif, là, collectif, mais à un niveau plus petit, là, l'évolution, la vraie. Au niveau de votre évolution, ça va être quoi finalement? Ça va être quand vous allez vous rendre compte que la doctrine n'est pas que vous avez payé pour et pas réelle, que vous allez être déçu, puis par des chocs de vie, finalement, les événements vont vous faire intégrer que c'était pas réel. C'est-à-dire, c'est à ça qu'elle va avoir servi la consultation. C'est ce qui va avoir eu d'évolutionnaire dans votre consultation. C'est de vous rendre compte que vous vous fourvoyez en consultant. Souvent, c'est souvent ça, moi, j'ai constaté chez des gens qui consultaient. Par contre, vous pouvez avoir un coaching au niveau du supramental par rapport à quelqu'un que, si on parle de quelqu'un qui a une réelle sincérité, qui fait vraiment un coaching réel, qui va vraiment vous accompagner, cette personne-là, elle va avoir en partie des choses d'intégrer de réel et elle va avoir en partie des illusions, puis il va avoir une collaboration entre vous deux, puis vous allez réaliser mutuellement des choses. Ça va être plus horizontal. D'après moi, c'est un peu comme Mona et Barre. D'après moi, c'est plus comme ça. J'ai plus confiance en, j'aurais plus confiance en elle qu'en d'autres. Mais bon, ça dépend de qui vous consultez, mais d'après moi, c'est pas pareil, personne. Donc, quand tu vois des groupes de chiens courir et pêcher des poissons librement sur la plage, ils sont dans le jeu. Oui. Ben oui. Ben, c'est parce qu'ils vont pas être bloqués. Ils subissent pas de blocage. Il est là leur bonheur. Mais ils évoluent pas non plus. Dans le sens qu'il a fallu que le chien subisse des blocages et des contraintes pour être domestiqué. puis le hurlement est devenu un jappement. Mais vous savez, les chiens, j'ai jamais pensé que les chiens descendaient tous du loup. Il y a clairement des chiens qui viennent du renard, d'autres du dingo. Ils n'ont pas tous l'air de loup. Surtout les chiens, certains types de chiens qui viennent clairement de petits canidés sauvages différents du loup, là, comme les petits chiens asiatiques. Là. Prenez le chihuahua, c'était clairement un petit chien d'Amérique centrale, c'était clairement un petit canidé sauvage qui probablement chassait des petits rongeurs. Donc, bon, ça vient pas du loup, là. Voyons. Les loups n'ont pas les yeux comme ça. Il y en a qui vibrent fort, ils disent des choses intéressantes, puis ils font de l'autoproclamation. Oui, et là, tout de suite, ça descend, la vibration, vous remarquerez. Ils disent remplir des fonctions cosmiques, là, ça devient grave. Une crainte me vient à les écouter, vous avez raison. Parce qu'il y a tout le monde en... Si on comprend ce que ça veut dire cosmique, tout le monde remplit des fonctions cosmiques, même... Vous savez, là, n'importe quoi. Ça n'a plus de sens, là. Peut-être que ça peut servir. Bon. Iso et c'est Patrick font cela. Moi, c'est Patrick, je suis au courant. J'ai eu affaire à des gens qui l'avaient consulté. Je finis souvent par être contacté par des gens qui ont consulté. Après, une fois qu'il y a eu certains, là, ils viennent me voir. Puis là, je leur dis, t'as pas besoin de... Voyons, là, pourquoi avoir à tout prix besoin? Vous êtes entouré d'humains. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui se dit supramental. Le supramental, c'est un phénomène, c'est pas une personne, c'est pas... Non, en tout cas, comme je vous dis, ça passe à travers plein de monde, ça va être au niveau de vous, votre perception à vous, ça change ce qui se passe autour. En tout cas, Iso, je l'écoutais un peu, mais je la connais, mais c'est ça, j'ai de la misère un peu avec ça, les gens qui... Bon. C'est fou comment tu réponds à mes questionnements sans que j'ai rien demandé. Ben, c'est clair que quand je fais un live, ben, il y a des liens dont on n'a pas connaissance, mais qui sont justement le fait que j'ai un certain laisser-aller puis que je ne me préoccupe pas, ben, ça doit être plus fluide. Ça rend certains phénomènes plus faciles. J'ai eu un chien qui avait du sang de chacal. Il voyait mieux, il était un gros voleur. Ben, vous savez, la notion de vol chez l'animal n'est pas pareille. Mais il n'y a pas de mal à être voleur quand on est un chien. C'est là, au niveau d'une contrainte, là, il va falloir l'empêcher d'être heureux si on veut vivre en société. C'est-à-dire, si vous avez un chien qui vole vos voisins, ça ne va pas engendrer du bonheur, ça, de dompter le chien, si on peut dire. Assurez toujours d'être trois dans toute conversation. Vous, votre interlocuteur et votre discernement. Ouais, mais est-ce que qu'il doit être dissociable de vous, le discernement? Je sais pas. Votre interlocuteur peut être un imbécile, votre discernement peut vous révéler de l'intelligence. Ou ça dérange pas si le... Ah, bonjour, rayon jaune. Ça dérange pas votre interlocuteur, son niveau. Vous allez toujours voir quelque chose. Donc, je te pogne en live une deuxième fois. Bon. Ben, OK. Mais je dois je vais cesser bientôt parce que je pense que j'ai reçu un colis puis je suis curieux. C'est pas ça peut être bien des choses. Mais oui, c'est pas important l'intelligence de votre interlocuteur parce que ça n'a pas rapport avec ça. Souvent, le niveau d'intelligence qu'on va accorder à quelqu'un est lié à une catégorisation subjective de notre part. J'ai même pu étudier certaines choses, puis j'ai vu certaines choses, j'ai compris certaines choses des fois avec juste en observant, par exemple, justement, des animaux. Votre interlocuteur, il y a toujours de l'intelligence dedans, puis il y a toujours moyen de voir quelque chose, de quelque chose de nouveau. Souvent, les fois où ce que j'ai discuté le plus avec des gens, puis qu'on a fait l'étude ensemble des choses, je posais une question, je disais, bon, telle affaire, c'est-tu réel? Puis là, l'autre personne, elle regardait ça, elle disait, ça me dit quelque chose, puis elle écrivait sur un papier, puis après ça, on mettait ça de côté, là, on disait, toi, ça te dit quoi? Toi, ça te dit quoi? Puis là, de mon côté, je disais ce que ça m'avait dit, puis tout. Puis après ça, on regarde ça avec ce qui est. Mais c'est là, on peut même se rendre compte qu'il y a de la télépathie, des phénomènes télépathiques. Ça ne veut pas dire que l'information est réelle. Rapport à ta vidéo d'hier, si j'ai bien compris, c'est l'humanité qui a créé l'astral, puis qui l'a nourri, qui l'a construit, qui a fourni le matériau. Qui a fourni le matériau, inconsciemment. Si oui, est-ce que ce bug qui a fait naître la planète en quarantaine. Non, là, il y a quelque chose d'une domination. Ça sert, l'inconscience astrale sert un agenda, des agendas occultes qui sont liés à ce qu'on pourrait appeler des intelligences de domination qui sont au courant de l'inconscience et de l'astral et qui vont s'en servir. Dominer. Comme ça, c'est ça, les initiés de la connaissance. Désolé, là, mais bon. Puis les autres, leur pouvoir se mesure à leur capacité de dominer les autres, puis à savoir de l'information que les autres n'ont pas sur la nature réelle des choses. Pas dans le sens le réel, mais dans le sens la vraie nature de certaines choses qui ne sont pas réelles. En tout cas. Donc, je pratique la méditation chaque jour. Cela m'est précieux pour expérimenter une certaine paix, aménager mon espace d'observation. Oui, on intègre encore plus dans le... Comment je pourrais dire ça? En dehors de la paix. Il faut alterner aussi avec des périodes de grands troubles. Ça faut vivre aussi du trouble quand même un peu. Il faut qu'il y ait un dosage, quelqu'un qui est toujours en paix, qui est toujours dans un espace de paix, quand ça va être le temps de gérer en action des énergies, si on peut dire, chaotiques, dans un milieu chaotique, puis il va falloir être très rapide, très créatif, là, ça devient difficile. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie dans un ashram, puis là, je le mets en plein milieu d'une discothèque, là, avec des drogués, puis c'est pas long, il va vouloir sortir de là, hein. Il ne sera pas capable de gérer l'énergie. C'est normal. Donc, bon, en tout cas. Oui, je pratique la minorité. La déception que certains intellectuels m'ont causée face à la manipulation actuelle a été l'occasion de... Ben oui, vous savez, là, les intellectuels, là, ils sont maîtres dans l'art de se leurrer eux-mêmes. C'est un peu... C'est ça, l'intellect. Être un intellectuel, c'est jouer dans son propre théâtre, mais sans savoir c'est qui l'auteur de la pièce, puis que c'est même une pièce. Et puis, à un moment donné, le rideau tombe, puis ils ne comprennent pas. Vous savez, la plupart des grands intellectuels me font pitié. C'est pas une blague, là. Vraiment, là, ça fait pitié. Puis ils ont des grandes souffrances aussi. Quand ils intellectuels, là, ils vont intellectualiser leur souffrance, puis ils l'augmentent, ils l'amplifient. Ils ne voient pas la mécanique qui est beaucoup plus simple. Quelqu'un qui est dont c'est le métier, le mode de vie de se compliquer tout, ne peut pas intégrer des choses simples. Beaucoup de difficultés. Donc, j'assume maintenant que toute personne peut me décevoir. Ben oui, il faut. Il faut. Mais est-ce que c'est à vous d'assumer ça? Je veux dire, c'est un réel externe. Ça fait partie du contexte. Donc, vous assumez quoi? C'est une question de résilience, je dirais, puis d'intégration que c'est une réalité. Donc, selon vous, comment expliquer que Madame Bombardier est sombrée à ce point parce qu'elle est malhonnête, parce qu'elle voit son intérêt, parce qu'elle fait partie de groupuscules qui méprisent la masse, parce que c'est une hypocrite, parce que c'est son métier de faire de la... Je veux dire, c'est une polémiste. Professionnelle. Elle est malhonnête. Elle méprise. Elle s'en fout que ce soit vrai ou pas ce qu'elle dit tant que sa soeur. Elle sait déjà, ils méprisent la classe moyenne. Alors qu'ils en sont issus. C'est incroyable. C'est un peu comme dans le temps, là, vous preniez un des petites gens, puis ils étaient anoblis, puis tout d'un coup, ils ne se souviennent plus du tout d'où ils viennent. Mais il y a une certaine malhonnêteté envers soi-même là-dedans. Donc, bon. Tu as déjà fait de la sorcellerie ou de la magie noire? Non. Il faudrait mettre un point d'interrogation. Il faudrait mettre un point d'interrogation parce que là, ça devient une assertion. Mais non. De toute façon, j'ai connu des gens qui s'étaient adonnés à ça, puis je peux vous dire, ils finissent mal. Ils finissent très souvent, là. Ils finissent, ils succombent à leur propre programmation. Ils perdent le contrôle. Ils pensent contrôler ce qui les contrôle, puis c'est de la subjectivité, c'est des programmes. Donc, bonjour, il y a la matrice christique de la lumière. Ouais, mais il y a ici une spiritualisation d'une réalité, là. Dans le sens, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le Christ galactique. PDM parle du Christ mondial. Ouais, c'est pas pareil, ça. Comment distinguer là dans tout ça? Le Christ mondial, c'est un palier évolutif collectif. C'est-à-dire qu'au lieu de se manifester dans un individu qui porte sur lui quelque chose de lié au collectif, vous allez avoir de l'individualité très intelligente, puisqu'il va se manifester sur un large nombre de personnes. Donc, il y a un palier de. C'est là ce qu'on peut dire, ce qu'on appellerait la Jérusalem céleste qui descend. Ça touche pas une personne. C'est quelque chose qui va toucher plusieurs personnes. Donc, derrière la forme, il y a une réalité là-dedans. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on décidait de prendre une femme pour l'attacher à un poteau dans la rue pour la brûler, les gens s'opposeraient. Parce qu'on est à un autre niveau, là. Quoi que ça dépend, c'est qui? Si c'est Madame Bombardier, peut-être que ça s'opposera pas tant que ça. Le supramental n'est-il pas simplement une structure permettant à l'être de survivre jusqu'à la prochaine étape de son évolution? Mais c'est un oui. Jusqu'à un oui, ça peut être vu comme ça, parce que c'est un principe évolutionnaire. Étant donné, il faut que ça vienne d'en dehors de l'ego pour être une force capable de poser une pression pour que l'ego transmute. Donc oui, on pourrait dire ça. Connaissez-vous des intellectuels qui ont intégré la mécanique de l'intellectualisation qui se méfie d'eux-mêmes? Non. Non, j'ai jamais vu ça. Il y en a, oui, ils vont le parler, ça, mais en l'intellectualisant. Donc, jusqu'à quel point c'est réel? L'intellect va s'intellectualiser lui-même, puis là, ils vont considérer que ça, c'est de l'objectivité. C'est comme, je devine la façade d'une maison en la visitant de l'intérieur. Je peux me faire une idée un peu de quoi elle a l'air de l'extérieur, mais c'est pas comme sortir de la maison pour la voir. Donc, j'ai été coupé de ma programmation par une intervention psychique qui a anticipé ma naissance. C'est dur à vivre, mais permet une vision objective. L'espace libéré a été comblé par des défis. J'ai de la difficulté à. Une intervention psychique qui a anticipé votre naissance. Dur à vivre, mais permet une vision objective. Je comprends pas comment vous pouvez avoir une vision objective par rapport à une intervention qui a précédé votre naissance. Il faudrait être plus clair. Pourquoi l'ego tente de filtrer et de brouiller les perceptions? Ben pour se protéger. Pour se protéger. Prenez un enfant que, au fond, qui n'est pas capable de gérer son émotivité. Souvent, il va s'imaginer que ses parents ne l'aiment pas. Parce que c'est plus facile de gérer ce conflit-là que l'extraordinaire charge et responsabilité que ce serait de voir la réalité. Puis des fois, ça dure toute la vie. Ça semble paradoxal, mais c'est toujours pour protéger l'ego. Toujours. L'ego se protège lui-même. Il s'est créé au fil du temps des mécaniques d'autoprotection comme ça. Puis la résistance, que Sabourin, entre autres, appelle la résistance, c'est toujours l'ego qui veut se protéger lui-même. Puis ça fait des blocages qui empêchent l'évolutionnaire. Souvent, c'est devenu avec le temps un problème. L'ego va, par instinct puis par réflexe, va engendrer un intellect subjectif par rapport à ce qu'on le concerne lui-même souvent. Croyez-vous que l'inoculation des enfants soit une façon de commettre leurs parents, un peu comme dans une forme de rituel. On pourrait le voir comme ça un peu. Mais il y a des choses pas claires par rapport à ça. Je pense que certaines instances transnationales veulent simplement contrôler, voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Les potentiels de naissance de certains peuples, d'accroissement de la population, entre autres. De toute façon, ça fait partie de techniques de psychologie de masse, dans le sens que en impliquant le parent comme ça, il va encore plus être subjectif par rapport à tout ça et ne pas croire que ça puisse ne pas être dans l'intérêt de son enfant. Il va encore plus se persuader que c'est des théories du complot, de penser autrement que c'est pour le bien de son enfant, même si c'est totalement irrationnel. C'est totalement irrationnel. Les enfants ne sont pas menacés, ils ne sont pas transmetteurs. Ça a été dit par plusieurs personnes. J'ai entendu dernièrement, je sais plus, je pense que c'était Jean-René Dufort, là, qui disait, oh ben, je comprends pas qu'il y a des gens qui préfèrent écouter des anti-masques que des scientifiques. Mais oui, mais il y en a qui sont les deux. Puis il en fait fi totalement. C'est comme si ces gens-là n'existaient pas. Comme si la science est celle qui, d'un bloc et d'une opinion politique d'un certain. Vous savez, là, ces gens-là sont des hypocrites. Il va falloir arrêter à un moment donné de dire, ah, oh, ben, c'est parce que c'est des imbéciles ou c'est parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Il y a certaines personnes qui sont hypocrites et font semblant de. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est quoi, des traîtres? Au fond, moi, je le vois comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire partie de. Toujours pour des avantages. C'est lié à de l'animalité qui s'est psychologisée, à des instincts de préservation personnelle. Vous savez, regardez dans le temps là, du siège de Stalingrad, il y a des gens qui ont mangé leurs enfants, persuadés que c'était le seul moyen de survivre. On dirait que les Occidentaux pensent qu'il n'y a pas ça dans tout le monde. Comme s'ils étaient d'une civilisation qui est plus qu'humaine. Non, non, il y a de l'animalité dans tout le monde. La violence est en tout le monde. En tout le monde. Puis, il suffit de certains déclencheurs, puis de certaines compréhensions par certains contrôleurs de certaines lois pour s'en servir, puis la déclencher chez autrui. Donc, qui est la personne la plus objective que vous. Que vous avez personnellement côtoyé. Je pourrais pas dire, ce serait pas objectif de ma part, parce que justement, c'est des gens que j'ai côtoyés. Je pourrais pas dire. Il y en a un que je considérais comme très objectif, puis finalement, toutes les personnes que je crois, c'est quoi être objectif au fond? Ça dépend de quoi on parle. Mais la plus objective que j'ai personnellement côtoyée, je pourrais pas dire, bien sincèrement, je pourrais pas dire. Qu'est-ce qu'une galaxie au sens supramental du terme? Ça peut pas être au sens supramental du terme, parce que justement, le supramental, c'est au-delà de la forme, donc du terme. Du terme. Une galaxie, c'est de l'énergie et puis de la matière en mouvement, mais c'est au niveau de de la façon dont c'est coordonné. C'est une configuration à très, très grande échelle d'énergie et de matière selon une configuration qui fait qu'on appelle ça et on identifie ça comme une galaxie. Mais vous savez, il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. Il n'y a pas de. Ah bon, OK. Mais vous savez, moi, je crois que ça existe. Puis j'appuie sur le mot, je crois que. Donc, mais une galaxie. C'est une forme qu'on met par-dessus un phénomène qui est tellement grand que Dufort est louche. Ah, il est plus que louche. Il est plus que louche. Lui, là, c'est un bon petit soldat de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets de. Bon, en tout cas, j'ai vu son nom, lui, sur une liste. À un moment donné, il y a eu des infiltrations, puis des gens entre eux, on se promenait des listes, là, puis il y a des archives qui se promenaient d'un sous-sol de bungalow à l'autre, puis lui, j'ai vu son nom une couple de fois. Puis moi, il est plus que louche, donc à moi. Le diable est la peur du mensonge, l'hypocrisie. Ben oui, ben il n'y a pas d'hypocrisie sans l'hypocrisie, c'est du mensonge en pratique, là. Donc, la subjectivité, donc ce qui nous coupe du réel, donc ce qui divise, puis ça vaut dans tout. Mais est-ce que ça en fait une identité qui est son intelligence propre? Non, ça en fait un principe, une force de subjectivité retardataire. Donc, l'adversaire, ce qui est adverse, ce qui est autre, dans le sens de ce qui est invocant, ce qui unit. Le contraire de l'amour, si on veut. En Ukraine aussi, des gens mangeaient leurs enfants sur les terres les plus fertiles d'Europe. Mais oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Dans le sens, l'être humain, il pense qu'il est au-delà de la programmation, il est au-delà des aspects psychologisés de son animalité, alors qu'il a en lui des forces dont il n'a pas idée, qui sont faciles à réactiver selon le contexte. Vous savez, là, vous pouvez avoir une très très bonne mère, très très bien, puis là, tout d'un coup, là, elle tombe dans la drogue, elle rencontre un mauvais gars. Elle tombe dans la drogue, elle devient extrêmement dépendante, elle tombe dans le crime, puis tout d'un coup, c'est la maquerelle de ses propres filles. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est pas parce que quelqu'un est très bien qu'il n'y a pas des forces de corruption. Même on pourrait parler jusqu'à un certain point au niveau vibratoire, un esprit de corruption. Là, on est rendu plus loin que le principe de diable. Là, ça devient grave, ça devient terrible. Puis, ça arrive. Des choses comme ça arrive. C'est la personnalité circonstancielle. Donc, elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. Puis, être une bonne ou une mauvaise mère, souvent, ça fait plus partie de la personnalité que de la conscience. Donc, c'est là que ça devient. Puis là, le voir, ça, c'est extrêmement dur. Mais c'est plus facile que d'être confronté à des réalités comme ça. Donc, je vais devoir vous laisser là dans peu de temps. Donc, puis là, les gens, oh, c'est temps, comme ici au Québec, je dirais ça, en Ukraine, il y a des gens qui ont mangé. Oh, tu es en Europe de l'Est, ça, c'est pas du monde comme nous autres. Je dirais, oh, un instant, c'est du monde comme nous autres. La même affaire. Des fois, je me demande si les Québécois, les Canadiens français ne sont pas encore plus rustres. C'est pas. Ils me font rire, les Québécois, parce que quand ils font face à des cultures très sophistiquées qu'ils méprisent, là, tout d'un coup, ils sont tout fiers du fait qu'ils sont rustiques. Et quand ils tombent devant des cultures qui leur ressemblent beaucoup et puis que tout d'un coup, ils ne veulent pas s'identifier à eux, tout d'un coup, ils se voient comme très sophistiqués. Et c'est le contexte qui change. Donc, la mémoire de la race aussi, c'est subjectif. C'est contextuel, c'est comme la personnalité d'un groupe. Donc, c'est les mêmes lois. C'est les mêmes lois. As-tu déjà assisté à un phénomène paranormal? Oui, souvent, plusieurs fois, depuis tout petit, de toutes les sortes. Il semblerait que ça fasse partie de mon vécu. C'est comme si, bon, puis même, comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui courent après ça, alors que moi, bon. On passerait bien. Il y a certaines des choses. Ben, surtout, c'est possiblement que j'ai certaines capacités qui ne sont pas intégrées, que je ne maîtrise pas. Donc, ça se manifeste autour. Des fois, mais j'ai vu des choses qu'on pourrait qualifier de paranormal. Mais le paranormal, c'est du normal qui n'est pas intégré au niveau culturel, au niveau de l'éducation, au niveau de l'instruction. C'est tout. Parce que tout est normal. Au fond, tout est toujours normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la perception. Qu'on en a ou pas. J'ai fait un rêve où je voyais les humains de leur point de vue. Des porcs habillés qui marchent debout et qui me prenaient en chasse. C'était terrifiant, dégoûtant. Ben, est-ce que ça ne viendrait pas traduire un certain mépris que vous avez? Parce que je vous ferai remarquer que dans le rêve, t'es dominé puis t'es la victime. Des porcs qui te courent après. C'était terrifiant. C'était terrifiant. Est-ce qu'il n'y a pas une peur sociale là-dedans? Là, je dis ça comme ça, là. C'est subjectif de ma part, mais si j'avais fait le rêve, je l'analyserais un peu sous ces angles-là. Pourquoi? Il y a un vieux conte taoïste qui dit, c'est un homme qui est allé voir un médecin qui disait, je suis atteint d'une maladie. J'ai réalisé que les humains sont tous des porcs. Puis l'autre, le médecin, il le chicane un peu en disant, ben là, il y a un manque de sagesse là-dedans. Après, plus tard, il revient, puis il dit, j'ai cessé d'avoir peur de ma condition quand j'ai réalisé que j'étais moi-même un porc. Puis le médecin, il dit, ah, ben t'es en train de devenir un humain. T'es atteint de sagesse. Voilà la maladie. Dans le sens que il va falloir, cette animalité-là qu'on voit à l'extérieur, elle est extériorisée, mais elle est en dedans aussi. Puis la véritable évolution, c'est de mater ça. Je sais pas si l'esprit de corruption se sent beaucoup plus depuis 2 ans. Ben, ça dépend, c'est des phases dans l'histoire. Il devait se sentir pas mal aussi dans les années fin 30, début 40. Moi, je le sentais beaucoup dans la fin des années 80, par notamment la fiction. Là, il y avait de la coke dans les films, beaucoup. C'était la mode, même. J'étais vu comme chic. Ouf, BLDM parle du Nazarène, non Dieu. Christ, parce que la manière dont elle parle de cet être est tellement puissant qu'elle aurait été psychologique et louangé dans les gens. Oui, c'est parce que Christ, ça charrie beaucoup de mémoire. Ça en faisait une forme délicate. Mais il y en a qui, il y a même des gens très croyants qui vont penser que Bernard était incapable de dire Christ parce que c'est un démon qui parlait à travers lui. Vous voyez comment les gens sont gnochons alors que les raisons sont complètement différentes. Même il y a des enregistrements où on dit le Christ. Il n'était pas en désaccord. Comment je pourrais dire ça? Il s'opposait pas à la vision christique, c'est-à-dire d'un être qui est pour un âge l'incarnation de l'esprit. Pour tout le monde, là, je parle au niveau de portée un karma, mais là, au sens, pas au sens où, en tout cas. Vous savez, c'est un peu le dernier prêtre. C'est pour ça que j'ai de la misère avec l'idée qu'il y a encore des prêtres. C'est le dernier prêtre. Parce que dans l'Antiquité, un prêtre, c'est un sacrificateur. Puis là, on a affaire à un être qui était tellement élevé que pour brûler puis ouvrir un chemin à toute une masse, il s'est sacrifié lui-même. Donc, puis même, c'est plus que ce que je dis là. Le supramental mental serait plus facilement récupéré par les chrétiens. Non, pas nécessairement. Le phénomène a été constaté partout, notamment par des hindouistes, des taoïstes. Donc, serait plus facilement récupéré. Ça dépend ce qu'on veut dire par récupérer. C'est un rêve cochon. Oui, les cochons qui courent après. Oui, mais pas nécessairement au sens freudien. J'ai rêvé. Noir sur blanc, écrit, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Moi, bon, pourquoi pas. Pour les porcs, depuis 2 ans, j'éprouve effectivement un dégoût pour mon prochain. Je dois aller chercher plus d'indulgence, moi, peut-être. Mais, vous savez, l'autre est une représentation pour le rapport à soi, au niveau de ce qu'on pourrait appeler la psychologie des profondeurs. Là, bon. C'est pas nécessaire d'aller tomber dans la psychologie des profondeurs, mais que l'autre est une représentation pour le rapport à soi, il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, c'est drôle, hein, parce que ça, c'est une phrase que j'ai tout le temps gardée, que j'avais trouvée. Je canalisais avant de connaître le supramental. Dans le sens, je faisais de l'écriture automatique ou en écrivant, il me s'activait quelque chose, puis il me venait des choses, puis ça m'était venu ça. L'autre est une représentation pour le rapport à soi. Dans le sens qu'il y a quelque chose d'une illusion, de multitude, mais on est tous reliés quand même. On est une individualisation de quelque chose qui est plus. En tout cas, j'ai pas envie de tomber là-dedans, là. À deux reprises, j'ai été en contact avec des sphères lumineuses lors d'un voyage à New York. Ils sont venus vers notre véhicule et restés stationnaires le temps de nous voir. Oui, c'est un comportement étrange. Dans le sens, pas étrange dans le sens que si quelqu'un faisait ça, on le trouverait étrange, mais étrange dans le sens que pour un objet qui semble inanimé, puis qui semble aussi que certains disent, oh, c'est de l'éclair en boule. Ben, le comportement est très. Et pas le comportement d'un phénomène, juste. Ça agit comme. J'ai même. un policier qui avait été confronté à des boules de feu, puis les boules de feu réagissaient d'une façon qui n'est pas un phénomène naturel, là. Il n'est pas là d'archimiste, ben, je pensais qu'il viendrait, mais hier, je me suis énervé par rapport à lui, puis je l'ai. Puis finalement, bon, il doit bouder, mais c'est correct, là, je veux dire, hein, quand ça nous fait un petit break. Quand quelqu'un parle d'énergie christique, c'est quoi? L'énergie christique, c'est de l'intelligence universelle qui sied en dehors des égos, qui existe en dehors des égos. Puis de temps en temps, pour des raisons évolutionnaires, si on peut dire, au niveau des lois de la vie, il va y avoir un contact avec ces forces-là. Pour justement que. C'est comme ça que les civilisations se sont construites d'une certaine façon, mais pas au sens. Comment je pourrais dire ça? Pourquoi les choses qui ont, dans l'histoire, apporté le plus de changements au niveau des mentalités collectives étaient de l'ordre de la révélation? Par exemple, on peut parler quelque part de force christique. Donc, l'intelligence universelle, c'est pas psychologique, c'est pas intellectuel, mais c'est très réel. Puis ça va engendrer de la conscience quand ça prend contact avec des égos. Puis au niveau d'égos très marquants, ce qu'on pourrait appeler qui ont un mandat, ça peut bouleverser des civilisations. Ce qu'on a appelé des grands initiés, puis ce qui a engendré des grandes civilisations. Il y en a qui chialent beaucoup contre les Mahométans, puis tout, mais il reste que ça a engendré des civilisations plus sophistiquées que ce qu'il y avait avant. C'est au niveau de certaines régions, c'était des cultures très tribales. Bon, il y en a qui vont dire que c'est encore dans des endroits qu'il y a des cultures très tribales, mais il reste qu'il y a eu des empires très sophistiqués. Ça a engendré du mouvement. Vous voyez? Donc, c'est toujours correct, ça. Donc, je dois aller au travail. Merci pour vos réactions. Ah bon, ben, bonne journée. Bonjour, Bertolt. Ta dernière vidéo était au bout. Ça, une aura. Étonnamment plein. Ça doit dépendre de dans quel état je suis. Mais vous savez, j'ai jamais perçu les auras. Je sens la vibration de quelqu'un quand je le regarde ou je l'écoute parler, mais je n'ai jamais vu les auras. Je ne savais pas que ça pouvait être vu par des écrans, les auras. Peut-être que s'il s'agit d'une densification au niveau d'information visuelle de la vibration. Donc là, ça expliquerait pourquoi ça peut être filmé. Dans le sens où c'est perceptible au moment où l'information est reconfigurée par l'écran, mais que dans le fond, la perception de l'aura serait interne et non externe, interne par rapport à de l'externe. Donc, il y aurait une reconstitution informationnelle de la vibration d'une personne au niveau interne par rapport au centre dans le cerveau matériel lié au visuel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait une explication qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi, même au niveau de ce qui est filmé, c'est pas tout le monde qui va percevoir. Parce qu'au niveau d'écouter quelqu'un parler ou de voir quelqu'un, je vais sentir la vibration, j'ai un certain discernement vibratoire. Je vais sentir de l'information qui n'est pas intellectuée. Penser, c'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça expliquerait certaines choses. Encore une fois, bon, ben merci. Je peux aussi sentir la vibration d'une personne aussi nettement à l'écrit qu'en face. Ah, ben à l'écrit aussi, oui. Donc, tu sembles fatigué, ça se peut. Je me sens pas fatigué. Mais c'est possible que je sois fatigué un peu. J'ai eu beaucoup de choses à régler dans les derniers temps. Il y a des choses dont j'ai pris connaissance que j'ai décidé, qui ont me demandé de garder confidentielles, puis qui ont été jusqu'à un certain point un peu décevants. Puis, ça a engendré beaucoup de colère dans les derniers jours. Mais j'ai décidé, je suis certain que je vais garder ça confidentiel parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, en tout cas, mais ça me pose dans le dos pour refaire certaines choses que j'avais mises en suspens. Quand on canalise, nous avons affaire une affaire à une ou une une entité de l'astral sur un plan plus ou moins élevé ou bien un être lumineux dans une autre dimension que l'astral. Vous savez, dès qu'il y a anthropomorphisation, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, même un certain personnage peut se déguiser en ange de lumière, puis il y a ce qu'on appelle le haut astral, là, qui est des êtres à forme. Donc, que pensez-vous des électro-sensibles? Je pense qu'au lieu de chercher à se protéger, ils devraient chercher à s'endurcir au niveau de leur perception, sinon ils vont être beaucoup trop vulnérables dans un environnement de plus en plus hostile à ce niveau-là. Donc, pourrais-tu en revenir un instant sur le fait que la manœuvre ne consiste pas à neutraliser l'astral, mais seulement à s'en foutre. C'est parce que l'astral se nourrit de... C'est ça, là. C'est très, très subtil. C'est un peu comme un adversaire qui fait du judo. Donc, il ne faut pas se lancer avec force dessus. C'est la pire chose à faire. Donc... L'astral, il va se servir de l'intellect, mais pas se servir au sens, c'est des mécaniques autorégulées qui se sont construites puis qui sont très sophistiquées. L'astral, il faut le voir puis pas le nourrir, ni avec de l'émotivité. C'est là au sens d'une conscience intégrale froide. Vraiment froide, il faut être vraiment froid. Puis c'est de la vie difficile. Ça a été tellement dit sans être dit par le passé. À un moment donné, Bernard, et tu sais, je pensais que ça brûlait de la lumière, puis c'est froid. C'est froid. En tout cas, j'ai pas envie de vivre la fusion, pas maintenant. Je peux quelque chose pour repousser le choc. Ben, vous allez pas nécessairement... Il y a beaucoup de chemin. De toute façon, si vous intégrez tous les jours de plus en plus, que vous êtes de plus en plus objectif, il y a un début de fusion, ça va pas arriver dans un bloc. Bernard, il est arrivé quelque chose d'anormal. Puis ça a failli le tuer, je pense bien. C'est pas drôle d'avoir une souffrance comme ça, puis pas pouvoir... En tout cas. Ah, bonjour. Dit Coli. Donc, ça fait combien de temps, là? 1h30, 1h21. Bon, ben, moi, je vais vous quitter parce que je vais aller dîner. En plus, ça me donne une raison de mettre fin au live. Je vais aller dîner. Mais ça a été très bien. Je veux dire, ça a été très intéressant aujourd'hui. Mais je me souviens pas de tout, là. Probablement vous autres non plus. Ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vais aller dîner. Donc, portez-vous bien, faites attention à vous. C'est drôle, d'habitude, il apparaît plein de « Ah, bonne journée ». Donc, bon, ben, bonne journée. Qu'est-ce que je fais, là? Bon, je viens de peser sur le mauvais bouton. Un instant, là. Bon, est-ce que je suis encore là? Bon. Peut-être que je voulais pas... Ben non, je l'ai pas viré d'Archimiste. Pas du live. En tout cas, il s'est pas manifesté aujourd'hui, tout simplement. Non, tu veux voir? Ben oui, entre autres, je vais aller voir ça en même temps. Je sais pas d'un coup que c'est... D'un coup que c'est mes fèves de soya, là, qui sont mes fèves de soya fermentées. Donc, j'arrive après. Bonne soirée. Ben oui, ben vous pouvez le réécouter. Si vous copiez l'adresse en haut, vous aurez le lien. Donc, bon après-midi. Bon, ben vous aussi. Mais merci à vous. Puis, bonne piquerade. Ah. Bon. Merci. Ben voilà, on peut dire merci, là. Voyons, là. Être ajusté, faut être ajusté, puis en tout cas, moi j'aimerais pas vivre dans une civilisation où il n'y a pas certaines formes qui traduisent l'ajustement. Dans le sens. Bon ben merci à vous. Bon, là, je vais fermer. Au revoir.